j'attrime en tout pays. Moi rivé avant l'espoir de trouver devant moi. Tout y coin moi j'affouillé, tout partout moi j'amandé. Pour moun pas connaître, pas connaître, pas connaître Marie. Tout j'en moins paix aller, moins pas qu'à j'en vois.